Soupard, si les flashs m'éblouissent, je tiendrai le coup. J'irai jusqu'au bout, car ce soir c'est pour toi qu'on joue. J'étais presque